Exercice 3, page 151. A. Choix, joie. B. Chant, Jean. C. Boucher, bouger. D. Déchat, déjà. E. Manche, mange. F. Marche, marge.